Il est 11h16 sur Radio Zine. Emma. Oui. Il est 11h16. Oui. Oui. Exactement, il est 11h16 sur Radio Zine. Il est bien 11h16 sur Radio Zine. Alors, hop. Et voilà, il est 11h16 et je remets mon casque pour vous faire écouter le gros vent du jour. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Ou bien avais-tu un mot à dire encore sur la subjectivité de la promenade qu'on vient d'entendre? Non, j'allais te demander, Emma, qu'est-ce que c'est le vent? Écoute, ça tombe bien. Voilà. Ça tombe bien parce que justement, alors non, le vent, on sait quand même ce que c'est, hein, parce qu'en vrai, enfin, si vous avez écouté hier, vous êtes censé avoir retenu l'explication de ce qu'est le vent, un déplacement de particules. Mais d'où nous vient le gros vent du jour? Mais d'où nous vient, très bonne question, Antoine. Le vent du jour nous provient de New York, il nous a été envoyé il New y a York. Si peu de temps. Oui, New York, où il vient de se passer un tremblement de terre relativement important, enfin disons suffisamment pour donner cette impression de vertige qui peut être à la fois agréable et terrifiante à ressentir. Et donc, pendant ces tremblements de terre, on nous a envoyé le vent qui suit. Et voilà, c'était donc le vent de la ville de New York, envoyé la semaine dernière par nos envoyés spéciales et spéciaux. Nous n'avons pas eu d'indication sur l'étage auquel a été pris ce vent. Je vous diffuse maintenant son interprétation et sa traduction électronique, citadine, d'autres diraient, pour celles qui n'auraient pas bien compris. Et voilà, c'était l'interprétation donc par Loïs Castellano, autrement dit Trophée Aban, du vent new-yorkais. Bien. Alors. Le mot du jour. Le mot magique, tel qu'on va le nommer aujourd'hui, c'est donc de se demander aujourd'hui qu'est-ce que c'est une bonnette. Emma, qu'est-ce que c'est une bonnette? Ben, une bonnette, c'est type. Typiquement quelque chose que nous n'avons pas sur les micros de la radio pour le moment, c'est-à-dire un dispositif qui permet Oh là, attendez, parce que là, j'ai comme un tout petit souci. C'est une protection que l'on place sur un micro pour limiter la captation des bruits de la pluie et du vent, mais donc également des pocs de ce qu'on est en train de dire et de du vent provoqué par notre bouche lorsque l'on parle dans Parfait. Le cas ici présent. Voici une bonnette. Ensuite, c'est également un type de voile que l'on trouve sur les bateaux. Et il y a un dérivé comme ça de bonnette ou de bonnet qui est le verbe bonneté que l'on peut employer pour signifier que l'on prodigue des salutations respectueuses à quelqu'un. C'est-à-dire on opine du bonnet. Voilà. Parfait. Et nous n'avons pas de bonnette sur nos micros, mais on en a une qui est exposée dans le couloir où notre studio est installé. C'est une bonnette monumentale qui a été réalisée par Natalia Dominguez-Rangel, qu'on va recevoir tout à l'heure avec Las Chulas. Et cette bonnette, c'est une bonnette qu'on peut coiffer, qu'on peut porter et qui nous permet, le temps d'une petite balade, de se prendre pour un microphone.